Chapitre 14e. Le match. Le premier réveil d'une femme honnête et fière qui a succombé à une passion défendue est un réveil affreux. Mais s'il n'est pas rare qu'elle se repente de sa faute, il est rare qu'elle y renonce. D'abord, la chute est si profonde qu'il semble impossible d'en remonter la pente. De plus, après la faute, tout est perdu, excepté l'amour. C'est le seul bien qui reste. Il faut bien s'y attacher, et la plupart s'y attachent avec une sorte de violence désespérée. On comprend que nous parlons ici des femmes d'élite, et non de celles pour qui l'amour est un simple jeu de société. Il ne pouvait plus être question ni du départ de Pierrepont, ni de son mariage. Cela ne fit même pas l'objet d'un entretien entre eux. Mais ils eurent à se demander comment ils expliqueraient ce changement de projet à ceux qu'ils pouvaient intéresser. Miss Nicholson avait été informée du voyage de Pierrepont avec trop de réserve pour qu'il y eût lieu de se préoccuper de sa déception. Mais Madame Desmarets, comment justifier auprès d'elle un manque de parole qui éveillerait nécessairement ses pires soupçons? Pierrepont dut se résigner à lui écrire banalement que des affaires graves et imprévues le forçaient de différer son départ. Elle n'en crut rien, car elle ne lui répondit pas. Elle n'écrivit pas davantage à Béatrice, qui, tout entière à sa passion déchaînée, fut presque indifférente à l'affront de ce silence. Quant à Fabrice, il admit sans peine que Pierrepont différa un voyage pour lequel il ne lui avait jamais vu beaucoup d'entrain. Alors commença pour Pierrepont et pour Béatrice cette vie profondément mêlée d'ivresse et d'amertume, d'étourdissement et de remords, de secrets de volupté et de secrets de terreur, qu'est la vie des amours coupables. Ils pouvaient enfin se parler sans réserve du passé, se confier tout ce qu'ils avaient ressenti et souffert l'un pour l'autre, effacer les dernières traces du terrible malentendu qui les avait séparés. Les transports mêmes de la passion égalaient à peine l'enchantement de ces mutuelles confidences, de ces heures attendries. Mais leur tête-à-tête était rare, plus rares même qu'avant leur faute. N'étant plus innocents, ils s'observaient davantage. Ils ne s'observaient pas encore assez. Fabrice était à la vérité d'un naturel trop généreux et trop confiant. Il était trop habitué depuis son séjour au Genêt à l'intimité particulière de Pierrepont avec Béatrice. Peut-être aussi était-il trop absorbé dans son œuvre pour soupçonner de lui-même la trahison dont il était victime. Mais un œil plus méfiant et malheureusement plus clairvoyant veillait pour lui. L'antipathie de son beau-frère, Gustave Calva, contre Béatrice, avait pris de plus en plus, par suite de leur froissement quotidien et des mépris peu dissimulés de la jeune femme, toute l'intensité de la haine. Il n'aimait guère davantage le marquis de Pierrepont, qui lui avait toujours témoigné une froideur hautaine. Quoique Fabrice continuât, par bonté d'âme, à le recevoir chez lui et l'obliger de sa bourse, Calva ne pouvait manquer de s'apercevoir qu'il gênait, qu'il était retenu moins souvent à dîner, que Béatrice, qui s'occupait beaucoup de l'éducation de la petite Marcel, évitait de la laisser souvent seule avec lui. Il n'y avait pas de vengeance à laquelle il ne fût prêt contre celle qui le chassait peu à peu d'une maison qu'il considérait comme la sienne. Fabrice, afin de s'épargner du temps, l'avait prié deux ou trois fois de l'aider dans quelques détails matériels du grand travail qu'il avait entrepris, et Calva profitait de cette circonstance pour reparaître plus souvent dans l'atelier de son beau-frère sous prétexte d'offrir ses services. Quand ils étaient inutiles, il allait fumer dans le jardin ou rôder dans l'habitation à la recherche de Marcel. Un jour, comme il venait de faire un tour dans le parc avec l'enfant, il entra brusquement dans l'atelier et s'étant assuré que Fabrice y était seul. « Mon cher, j'ai à te parler. »« Parle, » dit le peintre en poursuivant tranquillement sa besogne. « Je suis désolé de te contrarier, » reprit Calva, « mais je te serai obligé de remettre Marcel dans son couvent d'Auteuil. Elle est la fille de ma sœur et j'ai des devoirs envers elle. » Fabrice descendit lentement les degrés du marchepied sur lequel il était monté et regardant Calvet fixement, « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire que Marcel est ici à trop mauvaise école, et qu'elle ne doit pas y rester. « Mon cher Gustave, » dit Fabrice, « Marcel est ici entre les mains d'une honnête femme, d'une mère excellente, d'une institutrice dévouée, et elle y restera. »« Mon cher Jacques, » répliqua Calva, « je regrette de t'ouvrir les yeux et de déranger tes idées sur ta princesse. Mais tu le veux, eh bien ?» Sais-tu la question que m'adressait Marcel tout à l'heure à propos de son excellente mère et de son institutrice dévouée ?« Mon oncle, » me disait-elle, « est-ce que les dames et les messieurs s'embrassent quand ils ne sont pas parents ?»« Quelquefois, » ai-je répondu, « dans des occasions, dans des fêtes. Pourquoi me demandes-tu cela, petite ?»« Parce que hier soir, après le dîner, comme je revenais de dire bonsoir à père dans l'atelier, j'ai vu en rentrant au salon M. de Pierrepont embrasser maman. » Il n'avait pas achevé de prononcer ces mots, que Fabrice le saisissait à la poitrine et le secouait à lui faire perdre pied. « Misérable, tu es ivre !»« Va-t'en, sors de chez moi !» Il le poussa dans la large baie qui y servait de porte à l'atelier. « Pauvre dupe !» murmura Calva en ricanant. « Je t'ai prié de sortir !» dit Fabrice en marchant sur lui. Calva fit un signe de tête menaçant et sortira, suivi pendant quelques pas par Fabrice, qui ne le quitta de l'œil qu'après l'avoir vu franchir la grille. Rentré dans l'atelier, le peintre essaya machinalement de continuer son travail, mais il demeura l'œil fixe, le pinceau levé, la main inerte. Il déposa avec un geste de découragement sa palette et ses pinceaux, s'assit sur le bord d'une table, et s'abandonna à ses pensées. Oui, Calva était un misérable, une âme dégradée par la paresse et la débauche, capable de tout pour satisfaire ses passions d'envie et de haine. Il détestait Béatrice. Il l'avait toujours poursuivi de sa malveillance sourde. Il emmenait simplement à la calomnie ouverte, c'était tout simple. Fabrice se disait tout cela, mais il se disait en même temps que sa femme, dont il restait aussi passionnément épris que le premier jour, n'avait pas cessé de garder avec lui une froideur de marbre. Cette froideur était sans doute dans son tempérament. Que deux fois cependant elle l'avait fait songer amèrement aux prédictions, aux insinuations perfides de Madame de Montauron. Que deux fois il avait cru surprendre en effet chez Béatrice ce sentiment de mésalliance, de dédain, de regret qu'on lui avait fait appréhender. Cette pensée qu'elle ne l'aimait pas était pour lui une torture perpétuelle dont il ne trouvait l'oubli que dans l'excès de travail. Mais enfin, qu'elle aimât plus ou moins son mari, elle n'en était pas moins Béatrice. Cette créature chaste et fière, qu'il avait vue soutenir avec tant de noblesse les tentations de la mauvaise fortune. Si elle ne l'aimait pas, elle aimait le devoir et l'honneur. Sa sympathie pour Pierrepont n'était ni douteuse ni cachée. Mais ne s'expliquait-elle pas naturellement par les rapports de naissance et d'éducation, les traditions de famille, les souvenirs communs? Pierrepont n'était-il pas lui-même un homme cité pour sa loyauté exceptionnelle? Comment les soupçonner tous deux d'une abominable duplicité, d'une basse trahison, et cela sur les imputations d'un être comme Calva, sur la foi d'une dénonciation qui avait tout juste la valeur d'une lettre anonyme? Car les paroles que Calva avait l'indignité de mettre dans la bouche de Marcel, Fabrice était convaincu que la pauvre enfant ne les avait jamais prononcées. Calva avait bien présumé que jamais le père n'interrogerait sa fille sur un pareil sujet. Comme Fabrice se livrait à cette cruelle délibération, la portière en vieille tapisserie qui fermait l'entrée de l'atelier se souleva, et le frais et joli visage de Marcel apparut. « Je te dérange, père, » dit-elle. Le père devint très pâle. « Non. Je peux entrer ?»« Certainement. » Elle entra, son cerceau à la main, et vint lui tendre son front. « Tu es triste ?» demanda l'enfant. « Pourquoi veux-tu que je sois triste ?» « Tu ne travailles pas. Je me repose un peu. Tu viens de courir, ma chère petite. Tu es toute rouge. Je viens de prendre ma leçon de piano avec maman. Elle est toujours bonne pour toi, ta mère. Très bonne. Tu l'aimes toujours bien. Toujours bien, mais toi mieux. À présent, je vais jouer, sous les arbres. Pas au soleil, sois tranquille. » Elle s'en allait. Il la rappela. « Ah, je voulais te dire, mon enfant, viens ici. » Il lui prit la tête entre ses mains et la regardant dans les yeux. Ma chère petite, je voulais te demander une chose. Quoi, père ? Il hésita pendant quelques secondes, puis brusquement, avec un sourire contraint, je voulais te demander de m'embrasser encore. Va maintenant, ma petite, va jouer, va vite. Elle sortit en courant. Quand elle eut disparu, l'artiste, qui était pourtant ferme comme un roc, essuya une larme. Puis il se leva, reprit sa palette et se remit à peindre. Le lendemain, dans l'après-midi, il eut l'étonnement de voir Calva entrer dans son atelier. « Comment oses-tu te représenter chez moi ?» lui dit-il avec une menaçante gravité. « Mon cher, » répondit Calva d'un ton de soumission, « la nuit porte conseil. Je viens te faire mes excuses. Je n'étais pas ivre hier, comme tu me l'as dit un peu rudement, et j'ajoute que je ne mentais pas. Mais j'ai eu tort, j'en conviens. » De te rapporter un propos d'enfant qui devait t'affecter profondément et qui pouvait être, qui était certainement, un mensonge. J'ai bien réfléchi et je suis persuadé que Marcel a imaginé l'histoire qu'elle m'a contée. Les enfants, tu le sais, sont volontiers menteurs et leurs inventions ont souvent ce caractère de malice sournoise et de fausse naïveté que tu peux remarquer dans cette plaisanterie de Marcel. Il ne servirait à rien de l'interroger. En pareil cas, que l'enfant soutienne son mensonge ou qu'il le désavoue, on n'en sait pas plus long. Le mieux est donc, il me semble, de passer l'éponge sur la faute de la petite, d'oublier mon excès de zèle, assez compréhensible, et de me donner ta main. » La justification alléguée par Calva n'était pas sans vraisemblance. Elle apportait à l'âme bouleversée de Fabrice un demi-apaisement qui le désarma. « Soit, » dit-il en lui tendant la main, mais je ne veux plus entendre un mot douteux sur ma femme. Je te prie de t'en souvenir. » Cependant, à dater du jour où le soupçon avait pénétré dans son esprit, le peintre, quel que fût son empire sur lui-même, ne put s'empêcher de laisser voir à sa femme et à Pierrepont quelques signes de la préoccupation qui l'obsédait. Ils sentirent confusément que son attention était éveillée sur eux. Par un commun accord, leurs rendez-vous en devinrent plus rares encore, en même temps que leur passion, plus gênée et entravée, en devenait plus impatiente. Ils ne se rencontraient jamais hors de la villa de Bellevue. Béatrice ayant opposé une résistance invincible à toutes les combinaisons que Pierrepont lui proposait pour faciliter leur tête-à-tête. Elle était coupable, mais même dans sa faute, elle conservait une hauteur d'âme qui se refusait aux expédients de la galanterie vulgaire. Dans les conditions d'existence qui leur étaient faites, pour suppléer à la rareté des épanchements de vive voix, il était difficile qu'il ne leur vînt pas la tentation fatale de s'écrire. C'était ce qu'attendait Gustave Calva. Comment sans doute, Calva n'avait affecté le regret de sa délation et ne s'en était excusé auprès de Fabrice que pour ménager sa rentrée dans la maison et y surveiller plus à l'aise celle qu'il avait résolu de perdre. Calva était un drôle, mais nullement un sot. Et il avait surtout à un haut degré ses instincts et ses goûts de policier, qui semblent particuliers au bohème de sa sorte. Avant même que Marcel lui eût adressé l'innocente et terrible question qu'il s'était empressé de répéter à Fabrice, il avait soupçonné, avec la malignité et la clairvoyance de la haine, la liaison de Pierrepont et de Béatrice. Il en avait acquis maintenant la certitude. Mais il comprenait qu'il se perdrait lui-même s'il essayait de la faire partager à Fabrice sans lui apporter quelques preuves irréfutables. Convaincu par une suite de déductions naturelles que les deux amants devaient s'écrire, il s'appliqua à découvrir leurs moyens de correspondance. Les fréquentes et longues promenades de Béatrice dans la partie basse du jardin lui paraissaient équivoques. Il supposa que les lettres pouvaient s'échanger par-dessus le mur de clôture peu élevé qui donnait sur le chemin. Sa surveillance de ce côté n'aboutit à rien. S'écrivait-il simplement par la poste? Calva, pour s'en assurer, prit l'habitude de se trouver assez souvent le matin devant la grille de la villa, à l'heure où le facteur apportait les lettres. Cet homme, le connaissant pour le beau-frère du peintre, n'hésitait pas à lui remettre celle qui était destinée à la maison, et Calva en étudia les adresses avec soin. Quoique Fabrice n'ouvrit jamais les lettres adressées à sa femme, il n'était pas vraisemblable que le marquis écrivit à Béatrice sans prendre des précautions exceptionnelles. Au bout de quelques jours d'espionnage, Calva était frappé du nombre de lettres qui arrivaient à la villa avec cette suscription « Madame la vicomtesse Desmarets aux soins de Madame Jacques Fabrice ». Il les remarqua d'autant plus que l'écriture lui en parut contrefaite. Il se décida à en ouvrir une. À part l'adresse, elle était tout entière de la main de Pierrepont. La voici. « Chère Béatrice, oui, cette existence de fourberie et de trahison est indigne de nous deux. Je vous aime de le sentir comme moi. Tant qu'elle dure, notre bonheur n'est qu'une illusion, notre amour qu'une souffrance. Et n'avons-nous pas assez souffert? Croyez bien que je suis aussi incapable que vous de chercher des mots hypocrites pour tromper ma conscience. Nous sommes coupables, je le sais, mais jamais crime d'amour eut-il de pareilles excuses? N'y eut-il jamais entre deux cœurs honnêtes et sincères de pareilles fatalités? Oui, nous sommes des coupables, mais nous sommes aussi des victimes. Ce qui serait vraiment criminel et sans excuse, ce serait de persister dans cette vie de honteuse duplicité. Il faut donc partir. Je vous en supplie, ma bien-aimée, daignez consentir. Fiez-vous à moi. Toutes mes mesures sont prises. Tout ce qui est possible à un homme, je le ferai pour que votre exil soit un exil enchanté. Je t'aime, Pierre. » Quand il eut terminé sa lecture, le visage de Calva se crispa dans un hideux sourire. Il replia la lettre, se fit ouvrir la grille et se dirigea vers l'atelier de Fabrice. « Tiens, c'est toi ?» dit le peintre. « J'ai cru que c'était le marquis qui doit venir ce matin. »« Non, ce n'est que moi, » dit Calva. « Mon cher, » poursuivit-il en baissant un peu la voix, « tu ne m'accuseras plus, j'espère, d'être un ivrogne et un menteur. » Le hasard m'a mis en possession d'une lettre très intéressante pour toi. Comme ton parent est ton ami, quelque peine que j'en éprouve, il m'était impossible de ne pas te la communiquer. Tu en conviendras toi-même quand tu l'auras lue. Je ne la lirai pas, répondit Fabrice, en repoussant la main de Calva qui lui tendait la lettre. Sors d'ici à l'instant, et je te défends d'y remettre jamais les pieds. Tu me rappelleras, dit Calva. Et comme je suis sans rancune, je serai là à ton premier signe. Cette lettre est de Pierrepont, elle est adressée à ta femme, je te la laisse. » Il la jeta sur la table et sortit de l'atelier. L'artiste, demeuré seul, eut un moment d'affreuse perplexité. Immobile, pétrifié, il regardait la table et sur la table la lettre. Enfin, il s'avança d'un pas raide, d'un pas de statue. Il saisit la lettre, hésita encore, fit un mouvement pour la déchirer, puis avec une décision brusque, il la déplia et la lut. Calva, cependant, en passant devant l'habitation, avait aperçu dans le salon Béatrice assise et travaillant près d'une fenêtre ouverte. Il s'approcha vivement et se penchant un peu à l'intérieur, « Madame, j'ai le plaisir de vous informer qu'au moment où j'ai l'honneur de vous parler, votre mari est en train de lire la dernière lettre de votre amant. Bonjour. » Et il prit le chemin de la grille. Comme il allait la refermer sur lui, quelqu'un lui fit signe de loin de la laisser ouverte. C'était Pierrepont qui arrivait de la gare. Ils se saluèrent. Calva disparut à l'angle d'une rue et Pierrepont entra dans la villa. Béatrice, sous le coup de la vie effroyable qu'elle venait de recevoir, était demeurée foudroyée. Elle avait entendu les paroles de Calva. Elle n'en saisissait pas le sens. Puis une lumière terrible envahit son esprit et elle comprit. Une lettre de Pierrepont était dans les mains de son mari. Elle aperçut d'un coup d'œil dans un chaos sinistre tout ce qui pouvait sortir dans quelques minutes des plis de cette lettre. Le déshonneur, la honte, la perdition, la mort. Elle ferma les yeux et ne vit plus pendant un moment que des ténèbres traversées par des gerbes d'étincelles. Elle fut éveillée tout à coup de cet égarement par un bruit de pas sur le sable des allées. Elle jeta un regard au dehors et reconnut, avec une terreur inexprimable, le marquis de Pierrepont qui passait dans le jardin, se dirigeant vers l'atelier de Fabrice. Elle se leva, puis subitement, sans réflexion, sans dessein arrêté, entraînée follement par la crainte d'un conflit imminent entre les deux hommes, elle s'élança, sa tapisserie à la main, descendit le perron en courant et marcha à pas précipité vers l'atelier où Pierre-Pont venait d'entrer. La grande baie qui servait de porte à l'atelier était fermée par deux portières qui laissaient entre elles un étroit vestibule. Béatrice, après avoir vivement soulevé la première, s'arrêta et écouta autant que les battements désordonnés de son cœur le lui permettaient. Elle pouvait même entrevoir à travers l'entrebâillement de la seconde portière ce qui se passait dans l'atelier. Fabrice, au moment où Pierre-Pont était entré, s'occupait de charger des pistolets qui lui avaient été donnés précisément par le marquis et avec lesquels il avait coutume de s'exercer assez fréquemment dans son jardin pour se distraire un moment de son travail. « Vous êtes toujours content de ces armes-là ?» dit Pierre-Pont en prenant et en reposant ensuite sur la table le pistolet que le peintre venait de charger. « Enchanté, » dit Fabrice. « Vous alliez tirer ?»« Oui. » »« Eh bien, nous allons faire un match, si vous voulez. » « Très volontiers. »« Vous n'êtes pas souffrant ce matin, vous avez l'air fatigué. »« Oui, ce doit être. »« Je viens d'avoir une scène très pénible avec Calva. »« Ah, je l'ai rencontré comme il sortait de chez vous. » »« Ce malheureux avouait à ma femme une haine mortelle. »« C'est assez visible. »« Il la diffamait tout à l'heure d'une manière affreuse. »« Cela prouve que c'est un méchant homme, et rien de plus. »« Je l'ai chassé. »« Bon débarras, entre nous, mon cher. » Et pourtant il m'a troublé. Je ne puis dire cela qu'à un vieil ami comme vous, mais il m'a troublé. Il m'a laissé des doutes. Des doutes sur une femme comme la vôtre, voyons, mon ami, c'est de la folie. Oui, n'est-ce pas ? Reprit Fabrice. Vous la connaissez bien, et même depuis plus longtemps que moi. Vous me répondriez de son honneur sur le vôtre, n'est-ce pas ? Absolument. Et vous auriez raison, car le vôtre et le sien se valent. Et lui mettant brusquement sa lettre sous les yeux, « Tenez !» Pierre-Pont recula comme s'il eût vu un spectre, puis saisissant sur la table le pistolet qu'il venait d'y placer, et présentant la crosse de l'arme à Fabrice, « Tue-moi !»« Non, » dit le peintre, « pas ainsi, du moins. » Il fit quelques pas à travers l'atelier, comme pour rassembler sa pensée, puis, revenant au marquis, « Pouvez-vous ?» Et voulez-vous m'expliquer quelques mots de votre lettre dont la signification m'échappe ? Vous invoquez, pour excuse, certaines circonstances mystérieuses du passé, certaines fatalités que vous auriez subies. Mademoiselle de Sardonnez-vous, puis-je savoir à quoi vous faites allusion ? Pierre-Pont lui dit brièvement ce qui s'était passé autrefois entre Béatrice et lui, leur attachement mutuel, et comment Madame de Montauron avait forcé la jeune fille de refuser la main qu'il lui offrait. Après une pause de rêverie et de silence, Fabrice lui répondit. Vos sentiments pour Mademoiselle de Sardone vous font désirer, je suppose, que cette affaire se traite entre vous et moi sans éclat, afin de lui épargner aux yeux du monde une flétrissure que je désire moi-même épargner à mon nom. Tout ce que vous me proposerez dans ce dessein, dit Pierre-Pont, est accepté d'avance. Un duel, avec son accompagnement ordinaire de témoins, révélerait tout au public. Vous m'offriez tout à l'heure de faire avec moi un match au pistolet. J'accepte. Je crois que nous sommes à peu près de force égale. Pour celui de nous qui aura l'avantage, ce sera la vie, pour l'autre, ce sera le suicide. Soit, dit Pierre-Pont, c'est entendu. Chacun de nous s'engage sur l'honneur à respecter ses conditions. C'est entendu, répéta Pierre-Pont. « Maintenant, dit le peintre, il faut que je me résigne à vous adresser une demande. Je sais que cela est tout à fait incorrect, et je m'en excuse. Voici ce dont il s'agit. Si je dois laisser ma fille orpheline, je ne voudrais pas du moins la laisser sans ressources. Or, je n'ai rien, sauf 100 000 francs qui m'ont été donnés à compte sur ces panneaux par Nicholson, et que je serais d'ailleurs forcé de lui rendre si je n'achevais pas mon travail. » Il doit me verser en outre le double de cette somme quand je lui livrerai les panneaux. Je ne crois pas pouvoir les finir avant 4 mois. Je vous demande donc, si c'est moi qui dois mourir, de m'accorder ce délai de 4 mois. Et je n'ai pas besoin de vous dire que cette convention sera réciproque. Il y avait dans cette précaution du malheureux artiste quelque chose de si poignant que Pierre-Pont se détourna pour cacher l'agitation presque convulsive de ses traits. ce sera comme vous le désirez. » Le peintre enferma les pistolets dans leur boîte et prit quelques cartons de tir. « J'ai l'habitude de ces pistolets, » dit-il. « En voulez-vous d'autres ?»« C'est inutile, » dit Pierrepont. « J'ai moi-même beaucoup pratiqué ceci. Allons !» Ils quittèrent l'atelier et se dirigèrent, en descendant les rampes du jardin, vers l'allée de Charmy dont il a été plus d'une fois parlé dans le cours de ce récit. On se souvient peut-être qu'une plaque de tir avait été établie à l'une des extrémités de cette allée. En face, à l'autre bout, était un banc rustique adossé au mur. Quand Pierrepont et Fabrice arrivèrent dans la plaque de tir pour y fixer les cartons, ils aperçurent Béatrice assise sur ce banc. Elle travaillait à sa tapisserie. Les deux hommes échangèrent un regard. Ils savaient l'un et l'autre que l'allée de Charmy était pour Béatrice un lieu de promenade et de retraite favori. Ils ne furent donc pas surpris de la voir là. Ils crurent, et ils devaient croire, que le hasard seul l'y avait amené. Mais sa présence pendant la scène qui se préparait avait un caractère tragique, dont tous deux subirent profondément l'impression. Elle leur imposait en même temps une dissimulation de physionomie et de langage qui, dans un pareil instant, était aussi pénible qu'elle était nécessaire. Béatrice, cependant, soutenue par l'horreur même de la crise et par son excessive tension nerveuse, continua de piquer son aiguille avec une apparence de calme, et ce fut avec son sourire habituel qu'elle rendit à Pierrepont son salut en lui donnant la main. « Belle journée, dit-elle, n'est-ce pas ?»« Oui, vraie journée d'été. Vous voyez, nous allons faire un match, Fabrice et moi. Ah, quel est le plus fort de vous deux ?» Pierrepont fit un geste incertain. « Nous allons voir, dit-il en souriant. » Fabrice déposa sur le banc à côté d'elle la boîte d'acajou et un paquet de cartouches. Les armes dont ils allaient se servir étaient des pistolets Flaubert du calibre le plus fort. Les cartons de tir étaient divisés, suivant la coutume, en un certain nombre de cercles se développant autour d'une mouche centrale mi-partie noire et blanche. La distance était de la longueur de l'allée, c'est-à-dire d'environ 25 pas. Devant Béatrice, profondément attentive sous son apparence distraite, ils achevèrent d'arrêter leur convention. Le match devait être de 7 balles. Le tir était à volonté. Chacun d'eux devait tirer 2 balles coup sur coup aux 2 premières reprises. À la 3e, 3 balles également coup sur coup. Chaque division de la cible touchée par les tireurs donnait le nombre de points déterminé par l'usage et indiqué d'ailleurs sur les cartons. Le cercle le plus éloigné du centre, 1 point, la mouche centrale, 7. Une pièce de monnaie jetée en l'air décida que Fabrice devait tirer le premier. Il commença donc le feu et mit ses 2 premières balles dans l'intérieur du second cercle. Pierrepont, moins adroit ou moins heureux, perdit une de ses balles dans la plaque. L'autre entama le carton. Cette première reprise assurait donc 4 points à Fabrice et 1 seul au marquis. « Vous me ménagez, je crois ?» dit le peintre. « Nullement, » dit Pierrepont. À la 2e reprise, Fabrice logea ses 2 balles dans le 3e cercle. Pierrepont, après lui, fit 2 et 2. Fabrice avait 10 points contre 5. La 3e épreuve lui donna une avance encore plus considérable. De ses 3 balles, il fit 12 points. Il en avait donc alors 22 contre 5. Pierrepont, dont l'attitude indiquait une sorte de nonchalance découragée, s'apprêtait à tirer à son tour ses 3 dernières balles. Il arma son pistolet quand un léger froissement le fit retourner. Il rencontra alors le regard ardent de Béatrice, tendu vers lui, avec une expression telle qu'il en fut pénétré jusqu'au fond de son être. Il comprit instantanément qu'elle savait tout, elle savait tout, et ce regard désespéré, éperdu, suppliant, impérieux, le conjurait et lui ordonnait de vivre et de se garder pour elle. Jamais sa sombre beauté n'avait eu une telle puissance de fascination. Il se replaça, ajusta un peu longuement et fit feu. De ses 2 premiers coups, il perça les 3 cercles noirs qui entouraient le point blanc central. Sa dernière balle, toi, la mouche centrale elle-même. Il gagnait 19 points. Il en avait donc alors 24 contre 22. Fabrice était condamné. La fumée du dernier coup de feu n'était pas dissipée, qu'un violent éclat de rire retentissait aux oreilles des deux hommes stupéfaits. Béatrice s'était dressée soudainement, les yeux démesurément ouverts et comme illuminés de folie. Elle balbutia quelques mots inintelligibles, puis éclata de nouveau en rire saccadé, sauvage et tellement continu qu'il semblait répété et prolongé dans la campagne par quelque écho sinistre. La voyant chanceler, Fabrice la soutint et la repoussa doucement sur le banc. Peu à peu son rire s'éteignit, elle s'agita dans une légère convulsion et s'évanouit. « Elle nous avait écoutés », murmura le peintre comme se parlant à lui-même. Il se retourna vers Pierrepont, qui se tenait immobile à deux pas, aussi pâle qu'un mort sous son suaire. « Je vous prie, monsieur, lui dit-il, de nous laisser. » Pierrepont eut un geste d'hésitation et lui montra Béatrice renversée et inerte sur le banc. « Me croyez-vous donc capable, reprit le peintre, de maltraiter une femme, même celle-là ? » Pierrepont s'inclina, salua du chapeau et s'éloigna. Fabrice, alors, relevant le mouchoir de Béatrice qui était tombé à ses pieds, alla le tremper dans l'eau d'un bassin encadré de rocailles qui se trouvait au milieu de l'allée, et revenant à sa femme, lui baigna les tempes et le visage. Après quelques minutes, elle se réveilla, promena son regard vague autour d'elle, puis le fixa sur son mari. Une sorte de gémissement et le mouvement subi par lequel elle couvrit ses yeux de sa main témoignèrent qu'elle reprenait possession de sa mémoire, qu'elle recouvrait le sentiment de la terrible réalité. « Béatrice, dit alors le peintre, si une explication vous est trop pénible en ce moment, je la journerai. Oh non, tout de suite, murmura-t-elle. « Elle ne sera pas longue, au reste, reprit Fabrice, car si je ne me trompe, j'ai peu de choses à vous apprendre. Vos nerfs viennent de vous trahir. Vous avez entendu, n'est-ce pas, ce qui s'est dit ? Il y a une demi-heure dans mon atelier entre le marquis de Pierrepont et moi. » Elle fit signe qu'elle avait entendu. « Vous savez par conséquent pour quelle raison j'ai voulu éviter l'éclat, le scandale d'un duel. Vous savez que c'est pour vous épargner une tâche personnelle, qui pouvait d'ailleurs rejaillir sur ma fille innocente. » Elle fit le même signe de tête affirmatif. « Comme vous devez le comprendre, cette précaution n'aurait plus aucune utilité. Elle serait illusoire si vous quittiez la maison de votre mari tant qu'il vivra. Ça sera révélé au public ce qu'il vous importe autant qu'à moi de lui cacher. Il nous sera infiniment dur, sans doute, sachant l'un et l'autre ce que nous savons, de supporter la vie commune pendant 3 ou 4 mois. Mais puisque j'aurai ce courage, j'espère que vous l'aurez aussi. Ce que vous voudrez. Pour vous soutenir pendant cette épreuve, vous aurez la consolante pensée d'être bientôt tout entière à celui pour qui vous faisiez des vœux tout à l'heure pendant que nous nous battions. » Béatrice ne répondit pas. « Pour finir, ajouta Fabrice, je n'ai pas, je pense, de plan de conduite à vous tracer. Je suppose que vous n'oublierez pas le marquis de Pierrepont et vous, le respect qui est dû à un homme dont les jours sont comptés. » Il la quitta sur ces paroles et regagna son atelier. Pour elle, elle demeura jusqu'au soir dans cette allée fatale, tantôt marchant avec égarement, tantôt se rasseyant, anéantie, sur son banc. Était-ce bien elle qui était là, qui venait d'être mêlée à ces scènes effroyables ? Était-ce elle, Béatrice, qui venait de recevoir et de mériter, hélas, le reproche sanglant que lui avait adressé Fabrice, car elle n'avait pas osé le nier. Il était trop vrai que pendant le combat où la vie de son mari était en jeu contre celle d'un autre, ce n'était pas pour son mari qu'elle tremblait. Il était trop vrai qu'elle avait commis, dans un élan de passion, le crime de pousser la main hésitante de Pierrepont, et qu'en voyant son mari frappé d'un arrêt de mort, son premier mouvement avait été celui d'une joie farouche. Elle savait alors, la pauvre créature, comme tant d'autres l'ont su avant elle, jusqu'à quel degré la passion peut fausser et pervertir les âmes les plus pures et les plus hautes quand on la laisse s'établir en souveraine sur les ruines de la raison, de la volonté et de l'honneur.